Le père Lastic, patron de ce bateau construit avec l'argent du baron, s'avança au-devant du cortège. Tous les hommes, d'un même mouvement, ôtèrent ensemble leurs coiffures. Et une rangée de dévotes, encapuchonnées sous de vastes manteaux noirs à grands plis tombant des épaules, s'agenouillèrent en cercle à l'aspect de la croix. Le curé, entre les deux enfants de cœur, s'en vint à l'un des bouts de l'embarcation, tandis qu'à l'autre, les trois vieux chantres, crasseux dans leur blanche vêture, le menton poileux, l'air grave, l'œil sur le livre de plein chant, détonnaient à pleine gueule dans la claire matinée. Chaque fois qu'il reprenait haleine, le serpent, tout seul, continuait son mugissement. Et dans l'enflure de ses joues, pleines de vent, ses petits yeux gris disparaissaient. La peau du front même, et celle du cou, semblaient décoller de la chair tant il se gonflait en soufflant. La mer, immobile et transparente, semblait assister recueillie au baptême de sa nacelle, roulant à peine, avec un tout petit bruit de râteau grattant le galet, des vaguettes hautes comme le doigt, et les grandes mouettes blanches, aux ailes déployées, passaient, en décrivant des courbes dans le ciel bleu, s'éloignaient, revenaient d'un vol arrondi au-dessus de la foule agenouillée, comme pour voir aussi ce qu'on faisait là. Mais le chant s'arrêta, après un « Amen » hurlé 5 minutes, et le prêtre, d'une voix empâtée, gloussa quelques mots latins dont on ne distinguait que les terminaisons sonores. Il fit ensuite le tour de la barque en l'aspergeant d'eau bénite. Puis il commença à murmurer des oremus en se tenant à présent le long d'un bordage en face du parrain et de la marraine qui demeuraient, immobiles, la main à la main. Le jeune homme gardait sa figure grave de beau garçon, mais la jeune fille, étranglée par une émotion soudaine, défaillante, se mit à trembler tellement que ses dents s'entrechoquaient. Le rêve qui la hantait depuis quelque temps venait de prendre tout à coup, dans une espèce d'hallucination, l'apparence d'une réalité. On avait parlé de noces. Un prêtre était là, bénissant. Des hommes en surplis, psalmodiaient des prières. N'était-ce pas elle qu'on mariait? Eut-elle dans les doigts une secousse nerveuse? L'obsession de son cœur avait-elle couru le long de ses veines jusqu'au cœur de son voisin? Comprit-il? Devina-t-il? Fut-il comme elle, envahi par une sorte d'ivresse d'amour? Ou bien, savait-il seulement par expérience qu'aucune femme ne lui résistait? Elle s'aperçut soudain qu'il pressait sa main, doucement d'abord, puis plus fort, à la briser. Et, sans que sa figure remuât, sans que personne s'en aperçût, il dit, oui, certes, il dit très distinctement, « Oh, Jeanne, si vous vouliez, ce seraient nos fiançailles. » Elle baissa la tête d'un mouvement très lent qui peut-être voulait dire oui. Et le prêtre, qui jetait encore de l'eau bénite, leur en envoya quelques gouttes sur les doigts. C'était fini. Les femmes se relevaient. Le retour fut une débandade. La croix, entre les mains de l'enfant de cœur, avait perdu sa dignité. Elle filait vite, oscillant de droite et de gauche, ou bien, penchée en avant, prête à tomber sur le nez. Le curé, qui ne priait plus, galopait derrière. Les chantres et le serpent avaient disparu par une ruelle pour être plus tôt déshabillés, et les matelots, par groupe, se hâtaient. Une même pensée, qui mettait en leur tête comme une odeur de cuisine, allongeait les jambes, mouillait les bouches de salive, descendait jusqu'au fond des ventres, où elle faisait chanter les boyaux. Un bon déjeuner les attendait au peuple. La grande table était mise dans la cour sous les pommiers. 60 personnes y prirent place, marins et paysans. La baronne, au centre, avait à ses côtés les deux curés, celui d'Yport et celui des peuples. Le baron, en face, était flanqué du maire et de sa femme, maigre campagnarde, déjà vieille, qui adressait de tous les côtés une multitude de petits saluts. Elle avait une figure étroite, serrée dans son grand bonnet normand, une vraie tête de poule, à huppe blanche, avec un œil tout rond et toujours étonné. Et elle mangeait par petits coups rapides, comme si elle eût picoté son assiette avec son nez. Jeanne, à côté du parrain, voyageait dans le bonheur. Elle ne voyait plus rien, ne savait plus rien, et se taisait, la tête brouillée de joie. Elle lui demanda, Quel est donc votre petit nom ? Il dit : Julien, vous ne saviez pas ? Mais elle ne répondit point, pensant : comme je le répéterai souvent, ce nom-là. Quand le repas fut fini, on laissa la cour aux matelots et on passa de l'autre côté du château. La baronne se mit à faire son exercice, appuyée sur le baron, escortée de ses deux prêtres. Jeanne et Julien allèrent jusqu'au bosquet, entrèrent dans les petits chemins touffus et, tout à coup, il lui saisit les mains. « Dites, voulez-vous être ma femme ?» Elle baissa encore la tête. Et, comme il balbutiait, « Répondez, je vous en supplie. » Elle releva ses yeux vers lui, tout doucement, et il eut la réponse dans son regard.